troubles. Oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough, don't make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive. Oh, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, I don my clothes, said it's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit right in. Oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Nouvelle-Calédonie. And you're listening to Energy 93.5. Bonjour, il est 6h. Merci d'avoir choisi Energy. Les fêtes du jour, Fiacre et Sacha. L'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. L'info avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Disparu d'heure en heure, les espoirs de retrouver en vie les deux pêcheurs s'amenuisent. Hier, deux gilets de sauvetage, notamment une caisse rouge et un baril d'essence appartenant à Julien Pacta et Sébastien Arias, ont été retrouvés à proximité du récif fumé entre la passe de Mato et celle de Watio. Depuis hier soir, un vaste chantier pour construire une deuxième voie de circulation a démarré sur la Save Express pendant près de 6 mois. Et dès cette semaine, des déviations ponctuelles de 20h à 5h sont donc à prévoir dans le sens Nouméa-Dambéa. Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 septembre, le CHT ouvre les portes du Medipôle. Mais devant l'afflux des demandes de visite, le CHT a même décidé d'ajouter une quatrième journée le dimanche. Le gouvernement a récompensé 2 écoles, 11 collèges et 1 lycée pour leur investissement dans le développement durable par le label E3D, une désignation qui existe depuis 2013. Dans le reste de l'actualité, l'Olympique de Marseille n'est bientôt plus la propriété de Margarita Louis-Dreyfus et sa famille. Elle va céder l'entreprise familiale à l'homme d'affaires américain Frank McCourt, qui a détenu la franchise de baseball de Los Angeles. Devant le refus persistant de Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, de payer aux agriculteurs le juste prix pour leur production, la FNSEA durcit le mouvement. Et puis, plus d'un mois après la terrible soirée du 14 juillet, la France rendra un hommage national à Nice aux victimes de l'attentat qui a fait au moins 86 victimes. Et puis, enfin, au Brésil, Dilma Rousseff dénonce un coup d'État à son procès en destitution. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de vous passer un maximum de musique, de vous informer, de vous rappeler une date dans l'histoire, le 30 août 1933, par exemple. Ce sera la date que l'on va évoquer tout à l'heure. On prendra de l'altitude. Et puis aujourd'hui, Automoto Bateau sort, le magazine des nouvelles calédoniennes, qui fait la part belle au drift, ou encore au futur salon de la mer et du bateau, qui va ouvrir sa porte pour 3 jours, hein, vendredi, samedi et dimanche, en face de la Maison des Artisans. D'énergie, c'est un jour un événement. Alors, ce 30 août, ce mardi 30 août pour nous, c'était aussi dans l'histoire 1933, la création de la compagnie Air France, principale compagnie aérienne française. Air France a vu le jour donc ce 30 août. À l'époque, c'est une loi votée par le Parlement qui mène à la fusion de 4 compagnies, créant ainsi Air France. La société œuvre dans le transport de passagers, de fret et dans la maintenance aéronautique. La compagnie fait partie du groupe Air France KLM, alliance aéronautique franco-néerlandaise. Alors, c'est l'alliance donc du coq et de la tulipe, mais qu'en est-il de ces compagnies à l'origine? Eh bien, vous aviez Air Orient, Air Union, la Sydna, et c'était l'ex-Franco-Roumanie, et puis les lignes Farman. Voilà pour ces 4 compagnies fondatrices. On revient à 2016, 6h07 à l'écoute d'énergie. Dans un instant, on revient avec Descab for Cute. À tout de suite. Énergie Nouméa. 93.5. Le Festival Culture et Nature, les couleurs de Deva, est de retour les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Plus d'informations sur province-sud.nc. Du 2 au 4 septembre, venez découvrir le 6e Salon de la mer et du bateau au Quai des Volontaires.

having it again. When you're in pain, when you think you had enough, don't ever give up. Don't ever give up. De la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. C'est aujourd'hui, en ce 30 août, la journée des personnes disparues, journée internationale. L'ONU, en effet, sa commission des droits de l'homme, s'inquiète de l'augmentation des cas de personnes, des cas de disparition forcée, dont on ignore où elles se trouvent et quel est leur sort. L'organisation attire l'attention sur le drame trop souvent ignoré que vivent des dizaines de milliers de familles de la Bosnie au Népal et de la Géorgie au Sri Lanka. De son côté, le comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, déplore lui aussi le manque de volonté politique de s'attaquer à ce problème. Allez, à suivre sur Énergie, la météo. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Attention, ceci est un message à destination de tous les passionnés d'auto, moto, bateau de Nouvelle-Calédonie. Retrouvez aujourd'hui avec votre journal, votre magazine AMB, Auto, Moto, Bateau. Dans ce numéro, le dossier spécial de notre rédaction sur le drift en Nouvelle-Calédonie. Zoom sur cette discipline en plein essor. Également, retrouvez dans cette édition toutes les informations utiles sur le salon de la mer et du bateau à Nouville. Alors n'oubliez pas, votre magazine AMB, Auto, Moto, Bateau, c'est aujourd'hui avec les Nouvelles-Calédoniennes. AMB, partenaire du salon de la mer et du bateau. L'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est. Hey la bande, avec Orangina on peut gagner un voyage de ouf en Nouvelle-Zélande pour 4 personnes. Ouais, j'ai vu ça, il y a du saut à l'élastique, canyoning, rafting, parapente. Et on fait comment pour jouer? Tu vas juste sur www.orangina.nc. Bah on attend quoi pour s'inscrire? Rien, je prends mon tel. www.orangina.nc, c'est parti. Orangina! Attention, c'est le dernier jour. Apple TV au 41. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Énergie t'offre l'Apple TV 64Go et la Nimbus, la manette de jeu sans fil pour jouer sur ton Apple TV. Envoie Apple TV au 41 pour regarder les chaînes de télé, écouter de la musique, regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo, tout ça sur ta télé. Envoie Apple TV au 41 et pour 368 francs, gagne un cadeau de 54 980 francs. Envoie Apple TV au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, c'est le dernier jour. Tirage demain à midi en direct sur Énergie. Tu m'entends? T'es au courant? Speed Marine sera présent au Salon de la Mer et du Bateau à partir du vendredi 2 septembre. Cette année encore, toute l'équipe de Speed Marine sera là pour vous faire rêver. Présentation des semi-rigides Capelli, essais des moteurs électriques Torquido, présentation des nouveautés de chez Accastillage Diffusion et tellement plus encore. Speed Marine te donne rendez-vous au Salon de la Mer et du Bateau du 2 au 4 septembre pour un festival de nouveautés. Speed Marine, membre du réseau Accastillage Diffusion, c'est à Nouville-Plaisance et sur Facebook Accastillage Diffusion NC. En météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Le point avec Météo France. Ce matin, le temps est ensoleillé sur le pays, en particulier sur la côte Est et le Nord. Ailleurs, les amas de nuages bas circulent en donnant par moments quelques ondées. L'alizé de secteur sud-est se renforce entre 15 et 20 nœuds et des rafales à 30 nœuds. Mais il est plus faible sur la côte Est. Dans l'après-midi, des paquets nuageux avec de petites ondées remontent encore dans l'alizé, donnant un ciel passagèrement nuageux sur le sud et les Loyautés. Ces nuages gagnent le relief et débordent vers l'est, tandis que l'ouest reste plus ensoleillé. Du côté des températures, on a une petite baisse par rapport à hier, on avait atteint des 30 degrés. Aujourd'hui, ce serait plutôt dans une fourchette de 23 à 27, ce qui reste pas mal quand même pour la saison. Mercredi, le ciel est bien présent, le soleil est bien présent sur la moitié nord du pays. Sur le reste du pays, les bandes de nuages bas dominent et s'accompagnent de faibles pluies intermittentes. Enfin, jeudi, le soleil est bien présent sur l'ouest. Les bandes de nuages bas peu actifs sont nombreux ailleurs, notamment sur le sud et la façade est, mais moins de petites gouttes à prévoir jeudi. Et puis vendredi, ça devrait aller pour le salon de la mer et du bateau. Il est 7h24. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. softly is creeping. Left it scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Alors, on va vous parler du cadeau du mois, puisque le tirage au sort, ce sera demain midi, la fameuse Apple TV. Alors, dans la pub, il dit, ça vous permet de regarder la télévision sur votre écran de télé. Ah ben, c'est ce que je faisais avant, moi, mais sur l'Apple TV, oui, mais c'est toutes les applications qu'on peut regarder aussi sur le téléphone. Et bien là, vous les voyez sur grand écran. Donc la télévision devient en fait un moniteur. Dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarder les programmes télé, d'autres programmes télé, des vidéos, des photos, jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique et permet également de faire tourner des applications et donc des jeux avec la possibilité de se servir de la télécommande comme d'une manette de jeu. Voilà les applications de cette Apple TV et vous en découvrirez bien d'autres. Voilà, beaucoup de choses maintenant marchent avec les applications hein, que vous téléchargez. Et puis sur l'écran de votre smartphone, des fois, bah, c'est un peu limite, ou sinon, bah, toute la famille peut en profiter. Connecté sur l'écran de la télé. Voilà ce que vous pouvez gagner, voilà ce que vous offre Énergie. Envoyez Apple TV au 411 et c'est un tirage au sort, je vous l'ai dit. C'est demain midi. À vous de jouer. Ça vaut combien tout ça avec la manette de jeu? 54 980 francs. Pas mal là. Énergie est maintenant 6h30. Bonne fête à Sacha. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. D'heure en heure, l'espoir de retrouver en vie les deux pêcheurs s'amenuisent. Julien Pacta et Sébastien Arias, deux pêcheurs confirmés, sont donc portés disparus depuis samedi dans le secteur de l'île aux Quarets. Malgré les importantes opérations de recherche maritime et aérienne menées depuis dimanche, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Hier, deux gilets de sauvetage, une caisse rouge, un baril d'essence, une natte et un paquet de jambon leur appartenant ont été retrouvés à proximité du récif 8 mai. Entre la passe de Mato et celle de Watio, par l'avion de surveillance maritime Guardian et le hélicoptère Puma de l'armée et de la gendarmerie. Mais leur embarcation n'a toujours pas été repérée. Julien est un commercial de 27 ans, originaire de Nouméa. Sébastien, 33 ans, est père d'une petite fille de 4 mois. Hier, les scénarios de naufrage ou de chavirement ont été grandement privilégiés par le MRCC qui a coordonné les recherches. Le doublement de la SA va débuter, bientôt fini. Les bouchons du soir sur la voie express entre Kenouine et Koutio à Dambéa, probablement, car depuis hier soir, un vaste chantier pour construire une deuxième voie de circulation a démarré. Pendant près de 6 mois et dès cette semaine, des déviations ponctuelles de 20h à 5h sont donc à prévoir dans le sens Nouméa-Dambéa. Ces travaux ont notamment pour conséquence la fermeture définitive de la station Total SAV Express le 11 septembre prochain. Des craintes sur l'avenir de nombreux salariés sont déjà formulées. Dans le reste de l'actualité, l'OM devient américain. L'Olympique de Marseille n'est bientôt plus la propriété de Margarita Louis-Dreyfus et sa famille. Elle va céder l'entreprise familiale à l'homme d'affaires américain Frank McCourt, âgé de 63 ans. Il a déjà exercé des fonctions dans le monde du sport. Il a détenu les Dodgers, la franchise de baseball de Los Angeles. Le businessman assure vouloir s'installer dans la durée dans la cité phocéenne. Il annonce même vouloir à terme jouer le titre de champion de France chaque saison. La crise du lait tourne au vinaigre pour Lactalis. C'est le premier conflit social de la rentrée. Devant le refus persistant de Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, de payer aux agriculteurs le juste prix pour leur production, la FNSEA a durci le mouvement après l'échec des deux négociations la semaine dernière. Et alors que Lactalis, sous pression, vient d'accepter une reprise du dialogue, le premier syndicat agricole a lancé lundi un mouvement de mobilisation nationale. Enfin, au Brésil, Dilma Rousseff dénonce un coup d'État à son procès en destitution. Je ne lutte pas pour mon mandat, mais pour la démocratie, pour la vérité, pour la justice. Voilà comment s'est défendue la présidente brésilienne devant le Sénat lundi. La dirigeante de gauche, écartée du pouvoir depuis mai, prononçait le discours de la dernière chance avant sa probable éviction attendue mardi ou mercredi. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. say I just walked away, I will always want you. Crashing in a blazing fire. All you ever need. la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Dans un instant, il y aura Mew sur Énergie ou encore Dina pour la chanson du Caillou. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent mardi 30 août. Votre horoscope et les béliers pour démarrer. Vous serez de bonne humeur, amis béliers, aujourd'hui. La rentrée vous met en joie. Taureau, faites travailler vos méninges et la solution du problème surgira comme une évidence. Gémeaux, suivez votre instinct et les autres resteront dans votre sillon. Cancer, ne faites pas cavalier seul. Vous savez que vous pouvez compter sur vos proches. Lion, vous ne regardez pas toujours la réalité en face. Vierge, arrêtez de stresser. La rentrée, ça va bien se passer. Balance, réfléchissez avant d'agir. Les scorpions, vous n'aurez pas toujours les bons réflexes, mais vous ferez mieux la prochaine fois. Sagittaire, acceptez-vous tel que vous êtes. Capricorne, ne gardez pas vos pensées pour vous. Vous devrez impérativement vous exprimer. Les Verseaux, osez changer d'avis s'il le faut. Et les poissons, la générosité est l'élément clé de votre vie en ce moment. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. To understand, I'm begin. Ooh. C'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Dans un instant, je vous parle du prénom Sacha. On va voir du côté de l'info avec Delphine à la une du journal de 7h. Eh bien, ce sont bien sûr toujours les deux pêcheurs portés disparus. Et d'heure en heure, eh bien, l'espoir de les retrouver en vie s'amenuise. On a retrouvé des affaires à eux hier. On en parle dès 7h. Un prénom à la mode, Sacha, il est porté actuellement par plus de 25 000 personnes en France. Sacha nous vient du grec Alexandros. Alors étonnamment, il est aussi fêté le jour de la Sainte-Alexandre. Je crois que c'est vers le mois d'avril. Donc c'est étonnant de le retrouver là maintenant. Mais voilà, on va quand même parler de Sacha, qui est un prénom masculin à la base, mais sa diffusion est telle qu'il s'est aussi féminisé. Sacha est original, énergique, déterminé et aventurier. Sacha exprime sa passion par le changement et par le goût des voyages et des expériences nouvelles. Et la meilleure année pour les Sacha, c'était 2013, avec 3171 années cette année-là. Énergie Nouvelle-Calédonie. Naissance cette année-là, voilà. 93.5. L'Asset Païta, un espace conçu pour les professionnels et les artisans des métiers de l'eau. VRD, assainissement, adduction, plomberie, mais aussi gros œuvres, outillage et irrigation. Pour construire, rénover ou s'équiper, L'Asset, c'est le tout en un des matériaux de construction à Ducos. Païta, Kone, Lifou et sur www.7.nc. Bonjour, je suis une offre Volkswagen. Pas une annonce ordinaire comme vous en voyez tous les jours. Moi, je suis une offre Volkswagen. Et voilà ce que je vous propose. Volkswagen Tiguan, à partir de 55 900 francs par mois. Entretien, assurance tout risque et assistance comprise. Vous voyez, je suis une super offre, je vous l'avais dit. Alors, pourquoi prendre juste une voiture si vous pouvez avoir juste une Volkswagen? Volkswagen. Offre en location longue durée sur 48 mois pour 45 000 km souscrits. Assurance tout risque incluse. Apport 250 000 francs. Restitution du véhicule au terme de la location. Offre réservée aux conducteurs de plus de 23 ans. Sous réserve d'acceptation par Nouméa Renting.

avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Il est déjà 7h, on a un joli ciel bleu pour aujourd'hui. Le soleil devrait briller aussi un petit peu et laisser place à quelques tout petits nuages. Bonne fête à Fiacre et à Sacha. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il reste peu de chances de retrouver les deux jeunes pêcheurs disparus en mer vers l'île Quarée. Et puis l'OM a un nouveau patron et il est américain. Et enfin, la crise du lait se durcit. Les blocages reprennent mardi. L'actu de ce mardi 30 août, c'est avec Delphine. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Et malheureusement, d'heure en heure, l'espoir de retrouver en ville les deux pêcheurs, ça me nuise. Julien Pacta et Sébastien Arias, deux pêcheurs confirmés, sont portés disparus depuis samedi dans le secteur de l'île Quarée. Malgré les importantes opérations de recherche maritime aérienne menée depuis dimanche, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Hier, deux gilets de sauvetage, une caisse rouge, un baril d'essence, une natte et un paquet de jambon leur appartenant ont été retrouvés à proximité du récif Ouimet, entre la passe de Mato et celle de Watio, par l'avion de surveillance maritime Guardian et les hélicoptères Puma de l'armée et de la gendarmerie. Mais leur embarcation n'a toujours pas été repérée. Julien est un commercial de 27 ans, originaire de Nouméa, et Sébastien, 33 ans, est père d'une petite fille de 4 mois. Hier, les scénarios de naufrage ou de chavirement étaient grandement privilégiés par le MRCC qui a coordonné les recherches. Le doublement de la SA va débuter. Bientôt fini, les bouchons du soir sur la voie express entre Kenouin et Koutio à Dombéa. Probablement, car depuis hier soir, un vaste chantier pour construire une deuxième voie de circulation a démarré. Pendant près de 6 mois et dès cette semaine, des déviations ponctuelles de 20h à 5h sont donc à prévoir dans le sens Nouméa à Dombéa. Ces travaux ont notamment pour conséquence la fermeture définitive de la station Total Save Express le 11 septembre prochain. Des craintes sur l'avenir de nombreux salariés sont déjà formulées. Une quatrième journée porte ouverte pour le Medipôle. Jeudi 15, vendredi, samedi 17 septembre, le CHT ouvre les portes de son nouveau bâtiment, mais devant l'afflux des demandes de visite, le CHT a donc décidé d'ajouter une quatrième journée le dimanche 18 septembre de 8h à 13h. Les groupes seront donc constitués sur rendez-vous, des groupes de 12 personnes pour des visites de 50 à 55 minutes avec un départ toutes les 10 minutes. Les inscriptions se font exclusivement sur l'interface web e-ticket.nc. Le label E3D valorise les établissements scolaires écolos. Le gouvernement a récompensé 2 écoles, 11 collèges et un lycée pour leur investissement dans le développement durable. La désignation E3D pour les établissements en démarche de développement durable existe depuis 2013. Il tend à sensibiliser les élèves, enseignants, parents, personnel administratif, etc. aux enjeux du développement durable. Il souhaite également promouvoir, soutenir et valoriser les initiatives tournées vers des projets qui répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le label comporte 3 niveaux. Les 15 établissements récompensés la semaine dernière ont obtenu le niveau 1 qui témoigne de la volonté de la structure de s'engager dans la démarche. Dans le reste de l'actualité, l'OM devient américain. L'Olympique de Marseille n'est bientôt plus la propriété de Margarita Louis-Dreyfus et sa famille. Elle va céder l'entreprise familiale à l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Âgé de 63 ans, il a déjà exercé des fonctions dans le monde du sport. Il a détenu les Dodgers, la franchise de baseball de Los Angeles. Le businessman assure vouloir s'installer dans la durée dans la cité phocéenne. Il annonce même vouloir à terme jouer le titre de champion de France chaque saison. La crise du lait tourne au vinaigre pour Lactalis. C'est le premier conflit social de la rentrée. Devant le refus persistant de Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, de payer aux agriculteurs, je cite, le juste prix pour leur production, la FNSEA durcit le mouvement. Après l'échec de deux négociations la semaine dernière et alors que Lactalis, sous pression, vient d'accepter une reprise du dialogue, le premier syndicat syndicat agricole a lancé lundi un mouvement de mobilisation nationale. Des actions devant une quinzaine d'usines du groupe qui en compte 63 en France et commercialise les marques Président, Bridel ou Lactel se mettent progressivement en place. Et les producteurs de lait en colère vont multiplier les opérations pour sensibiliser les consommateurs sur les lieux de vente. Objectif, eh bien, arracher à Lactalis un accord sur un prix à la tonne jugé, je cite encore, décent. La France rendra un hommage national aux victimes de Nice. Plus d'un mois après la terrible soirée du 14 juillet, l'Élysée a donc confirmé l'information. La France rendra un hommage national à Nice aux victimes de l'attentat qui a fait au moins 86 morts. Le délai n'a cependant pas été précisé. Le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, Stéphane Jiquel, a déclaré qu'une échéance allant de quelques semaines à un mois avait été évoquée. Au Brésil, Dilma Rousseff dénonce un coup d'État à son procès en destitution. Je ne lutte pas pour mon mandat, mais pour la démocratie, pour la vérité, pour la justice. Voilà comment s'est défendue la présidente brésilienne devant le Sénat lundi. La dirigeante de gauche, écartée du pouvoir depuis mai, prononçait le discours de la dernière chance avant sa probable éviction attendue mardi ou mercredi. On termine avec une info insolite. On part en Norvège où un jeune homme de 20 ans a fait tomber son téléphone portable dans les toilettes publiques. Alors il a essayé de le récupérer avec un bâton, ça n'a pas marché. Alors il a essayé de récupérer le pied comme ça. Et puis il s'est progressivement enfoncé. Et puis il a sauté carrément dans la cuvette des toilettes. Ce sont des cuvettes publiques et JB ne me regarde pas comme ça. C'est assez large. Oui. Et ce qui devait arriver arriva. Il est resté. Mais il est resté coincé. Il est resté coincé au niveau des épaules. Au moment de remonter, dit-il, je suis resté coincé. Piégé pendant une heure, il a commencé à être pris de nausées. Et il sentait, je sais pas, raconte son calvaire pour vous mettre en appétit, je sentais les bestioles me courir sur le corps. Alors il a commencé à paniquer. Finalement, ils ont appelé les pompiers à la rescousse, mais ils ont quand même mis une heure à appeler les pompiers. Ils ont scié la cuvette à l'aide d'une tronçonneuse. Mais avant, ils ont quand même immortalisé leur curieuse intervention, car pour eux, c'était une première pas très sympa. Et du coup, tu vois la photo. Non, tu vois pas la photo. Non, je vois pas la photo. Non, mais ils ont pas diffusé la photo sur les réseaux sociaux. Quand même. C'est vache quand même. Hein. T'es dans une situation, t'es pas cool, t'es pas bien. Attends, je te prends en photo. Vas-y, souris. Ah, c'est difficile, ouais. C'est pour notre album, c'est pour notre calendrier de fin d'année. Insolite, effectivement. Merci Delphine, 7h07. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie.

moderne d'énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Et si vous en aviez des sous, des pépettes, du cash, des livres sterling ou des euros, eh bien c'est une histoire qu'on va vous raconter, celle de Jason et Victoria. Victoria Jones, ils s'étaient mariés depuis quelques mois quand ils ont remporté 2 millions de livres sterling à la loterie britannique. Mais cet argent tombé du ciel n'a pas fait leur bonheur. En effet, le couple divorce. Madame quitte son mari pour un homme mais quand même 100 fois plus riche que lui. Il s'appelle Mike Clark. C'est un entrepreneur britannique à la tête d'une fortune de 222 millions de livres. Alors déjà, s'ils ont gagné 2 millions de livres, ça fait 272 millions pacifiques. Déjà, donc 222 millions, ça rentre même pas dans ma calculatrice. Donc Victoria estime 10 ans après, après avoir gagné cette loterie, ces 272 millions de francs, que c'était l'une des pires choses qui pouvait lui arriver. Sans l'ombre d'un doute, dit-elle, elle explique à quel point c'était stressant. 12 ans plus tard, je suis encore celle qui a gagné à la loterie. C'est horrible, ça ruine ma vie. Les gens vous traitent de façon différente. Bon, elle a quand même pas craché sur l'argent non plus. Ni sur son bonhomme, le nouveau rencontré là, avec 222 millions. Et vous, l'argent, ça ferait votre bonheur ? Énergie Nouméa. 93.5. Optique 2000, le meilleur choix pour vos lunettes sur www.optique2000.nc. Optique 2000. Nouvelle vision de la vie. Une adresse pour vous meubler. Meubles Import. Des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. Hey la bande, avec Orangina on peut gagner un voyage de ouf en Nouvelle-Zélande pour 4 personnes. Ouais, j'ai vu ça, il y a du saut à l'élastique, canyoning, rafting, parapente. Et on fait comment pour jouer? Tu vas juste sur www.orangina.nc. Bah on attend quoi pour s'inscrire? Rien, je prends mon tel. www.orangina.nc, c'est parti. Orangina! Et si je veux étancher ma toiture? Et si je veux coller? Et si je veux refaire mes joints de salle de bain? Et si je veux... Eh bien justement, chez Gédimat, on a bien écouté tout ce que vous vouliez et on a décidé de mieux vous servir. Étanchéité, colle et mastic. Gédimat, des fondations aux finitions. Gédimat, c'est deux magasins, Nouméa et Conné, ou sur www.gedimat.fr. Ceci est un message du Centre Hospitalier Territorial. Bienvenue au Medipôle de Coutiot. Le CHT vous ouvre les portes de son nouveau bâtiment du jeudi 15 au dimanche 18 septembre. Deux mois avant l'arrivée du premier patient, visitez le service de chirurgie, le plateau technique, les urgences, guidé par les personnels du CHT. Inscription exclusivement sur étiquette.nc. Du 15 au 18 septembre, venez découvrir le Medipôle, votre nouvel hôpital. Accès au site du Medipôle strictement réservé aux personnes inscrites, âge minimum 6 ans. Plus d'infos sur www.étiquette.nc. Le bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Et voici le point établi par Météo France. Faudra attendre jeudi pour avoir un vrai beau temps. D'ici là, ce matin, le temps est ensoleillé sur le pays, en particulier sur la côte est et le nord. Ailleurs, des amas de nuages bas circulent en donnant par moments quelques ondées. Dans l'après-midi, des paquets nuageux avec de petites ondées remontent encore dans la Isée, donnant un ciel passagèrement nuageux sur le sud et les Loyautés. Les températures maximales sont le plus souvent comprises entre 23 et 27 degrés. Demain, le soleil est bien présent sur la moitié nord du pays. Sur le reste, les bandes de nuages bas dominent et s'accompagnent de faibles pluies intermittentes. Enfin, jeudi, le soleil est bien présent sur l'ouest. Les bandes de nuages bas peu actifs sont nombreux ailleurs, notamment sur le sud et la façade est. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook.

kids took back the parks. You and I were left with the streets. Show me now, show me the answer locked every eye. Trained on a different star. This magic, this drunken semaphore. tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre cuisine savoureuse et variée sur les toits de Lens-Vatin. JP, avec les animaux de compagnie. Je vous parlais de ma femme tout à l'heure. Enfin, quand je dis ma femme, c'est pas encore ma femme parce qu'on n'est pas encore mariés. Elle aimerait bien qu'on se marie, mais moi j'hésite encore, je sais pas. Vraiment, moi ce qui me fait peur, c'est que elle m'a dit, le jour où on habite ensemble et qu'on est mariés, elle veut absolument qu'on achète un chien. Enfin, moi j'ai peur des chiens. Quoi, mais c'est vrai. Regardez, pourquoi les gens, quand ils achètent un chien, 2-3 jours après, qu'est-ce qu'ils mettent sur le portail? Ils mettent une pancarte avec marqué « Attention, chien méchant ». Il se passe un truc à la maison, il veut pas nous le dire, mais... Ça fait quelque chose, quand on arrive là à mettre une pancarte comme ça, c'est qu'à la maison, c'est... Hein? Quand moi, je vois personnellement, moi, ma femme, elle est casse-couille, mais je le placarde pas sur tous les murs. Où y en a qui achètent des chats, carrément, attends, un chat. Ouais, si t'en as marre de la vie, rentre chez toi, ouvre le gaz, mais qu'est-ce que tu fais? Un chat, ça fait pas flipper, bien sûr, ça fait flipper un chat. T'as déjà vu un chat qui sourit? Jamais. Un chat, ça te fixe et ça fait la gueule. Il prépare un truc, c'est sûr. Il peut rester une journée comme ça dans le coin du salon à te regarder, tu sais. Et tout d'un coup, paf, il démarre. Non, attends, ça fait flipper. Vraiment, moi, je flippe des chats. Et encore, les chats, bon. Il y a aussi des gens qui ont une femelle chat. Non, je le dirai pas le mot, cherche pas. Non. Déjà, les gens qui ont une femelle chat, j'ai envie de leur donner un conseil, mais tu dis j'ai un chat, voilà, point. C'est pas besoin de préciser. Ça fout tout le monde mal à l'aise, quoi. Vraiment. Ça... Moi, ça me met toujours dans l'embarras. Tu vas chez quelqu'un que tu connais à peine, comme ça. La maîtresse de maison est là. Attention, ma chatte est sous la table. Oh là. Vous n'avez jamais vu ma chatte? Non, on n'était pas venu là pour ça, là. Ça fait super flipper. Je comprends pas les gens qui achètent des animaux. Je comprends pas vraiment. Il y a des grands malades, des mecs qui achètent des tortues. C'est le seul animal préhistorique toujours en vie. C'est-à-dire qu'à la base, t'avais des dinosaures, des brontosaures, enfin que des trucs de malades. Hein. Et ben ils se sont tous fait becter, sauf la tortue. Mais franchement, je suis pas super balèze en enquête criminelle. Mais là, même Pino Simple Flic, il interroge la tortue. Là. C'est pour ça que j'ai essayé de parler avec ma femme. Je lui ai dit, écoute chérie, c'est quoi ton but dans la vie? Parce que si c'est pour vivre à la maison avec un truc qui pue, qui perd ses poils, qui bouffe tout le temps et qui remue sa queue en permanence, eh ben ça, c'est moi. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. N'oubliez pas le buffet crevette à volonté tous les jeudis soirs. Cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. écoutez Energy. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Avec les célébrités qui sont nées un 30 août, nous avons la femme au chapeau, mais oui, la fondatrice des Miss France, Geneviève de Fontenay, à 84 ans. Elle a récemment déclaré avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour une petite, selon elle, une petite opération pour relever ses paupières. Ancien grand champion de ski français, Jean-Claude Killy, a 73 ans. Il présente le journal de France 2 tous les week-ends. C'est Laurent Delahousse. Vous lui mettez quel âge à Laurent Delahousse avec sa petite mèche rebelle? Et 47 ans, oui. Animatrice et surtout chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste, Valérie Benaïm a également 47 ans, comme Delahousse. Elle fait partie des nouvelles blogueuses puisqu'elle vient de lancer son blog Mode. Et puis, côté cinéma, Cameron Diaz a 44 ans. Dans un instant, on va retrouver Van der Koot qui va nous dire comment se fait la transmission d'époux. Non, non, pas par mariage, hein, l'époux, pas les époux. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Bleu Piscine, c'est des produits de qualité, un suivi technique et un SAV garanti et assuré. Bleu Piscine, 10 rue Pelletan à Ducos ou sur www.bleupiscine.nc. C'est tout l'univers de la piscine. Samedi 3 septembre, 19h, rendez-vous à l'Arène du Sud de Païta pour le Festival des Arts Martiaux. Un spectacle familial incroyable en son lumière avec 14 disciplines d'arts martiaux. Billets sur ticket.nc, FS Sport, Hôtel du Centre, L'As de Trèfle et Pulsion Sport Païta. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Ici. Ailleurs. Je défends mon pays et toutes ses couleurs. L'armée de terre recrute. 15 000 postes à pourvoir. Votre volonté, notre fierté. S'engager.fr. Le Cinécity présente Bad Moms. Je peux pas croire que je vais être en retard à ma première pratique de soccer. Je suis désolée, ok, je fais ce que je peux. J'en ai plus qu'assez d'essayer d'être une mère parfaite. J'abandonne. On travaille tous tellement fort pour rendre la vie de nos enfants excitante et magique. Soyons de mauvaises mères. Aux jambes. Aux mauvaises mères. Bad Moms, actuellement au cinéma. Cinécity, projecteur d'émotions. Jusqu'au 2 septembre, sur Energy, joue avec Ariel et gagne un an de lessive. Envoie Ariel au 3511. 231 pour le SMS. Et si on t'appelle, c'est gagné. 10 lots sont à gagner, chaque lot d'une valeur de 12 505 francs, soit un an de lessive. Ariel, 3 en 1 pods. Nettoie, enlève les taches et donne de l'éclat. Ariel, la nouvelle génération de lessive, 3 compartiments. Pour une performance de lavage optimal. Gagne un an de lessive tous les jours sur Energy. Energy Nouvelle-Calédonie. Energy. It's music only. La minute du professeur Van der Koot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Koot. Comment se transmettent les ponts? Ah, bah justement, ça me gratte, professeur. Ce serait pas 30 millions d'amis sur votre tête en ce moment, stagiaire Bernardin? Parce que figurez-vous que moi aussi, j'ai comme des petites démangeaisons. M'auriez parfilé vos amis? Bah non, vous avez plus de cheveux, professeur. Oh, mais ce qui se montrerait presque désagréable, ce sont des poux sans abri, mon petit. Sans abri! Inoffensif pour la santé, avoir des poux n'est jamais très agréable et véhicule inlassablement certaines images. Malpropre, un gros crado. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, le manque d'hygiène n'est en rien responsable de la pédiculose. La contamination par les poux. Si les enfants sont les plus concernés par ces bébêtes, c'est parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à jouer trop collé serré ou à s'échanger leur bonnet. Les poux posent souvent leur campement près des oreilles et aux abords de la nuque et pondent jusqu'à 15 lentes par jour. C'est que je suis tellement contente d'être là. Et contre toute idée reçue, sachez que les poux ne sautent pas. À moins d'un contact rapproché, il est donc quasiment impossible d'être contaminé. Tout compte fait, je ne risque rien, Bernardin. Mmh, vous êtes sûr, professeur? Pas tous, ma bombe lacrymo. Et si vous croulez sous la honte à l'apparition des poux, sachez que ça arrive même aux meilleurs. Hein, Serge ? J'ai des poux, j'ai des poux, j'ai des petits poux. J'ai des poux, j'ai des poux, j'ai des petits poux. Ça doit être la crasse. Tout dans la minute du professeur Vanderkroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Faudra-t-il faire de longues prières? Chanter des oraisons? Passer des mers et toutes ces terres.

un hommage national à Nice aux victimes de l'attentat qui a fait au moins 86 morts. Enfin, au Brésil, Dilma Rousseff dénonce un coup d'État à son procès en destitution. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Évoqué il y a quelques instants, on revient donc sur la vente de l'OM. Et oui, Margarita, Louis Dreyfus s'apprête donc à, dans les semaines à venir, à céder l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, un homme d'affaires américain. Un moment très particulier pour celle qui s'est beaucoup investie dans le club depuis le décès de son mari Robert. C'était en juillet 2009. Alors à l'issue de la présentation aux médias de Frank McCourt, le futur repreneur de l'OM, Margarita Louis Dreyfus s'est montré ému face aux caméras qui l'ont assailli. Nous sommes tristes, mais ma priorité a toujours été le club. Et pour le club, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà ce qu'a confié la future ex-propriétaire. Toutefois, les Louis Dreyfus ne se désengagent pas totalement de l'OM. La famille conservera en effet 5% des parts. Clément Grenier sera-t-il encore lyonnais à la fin du mercato? Eh bien, pas certain. Manque de temps de jeu, l'international français pourrait quitter l'OL, qui a accepté un prêt sans option d'achat, comme l'a indiqué son président Jean-Michel Aulas. Nice serait l'un des éventuel point de chute. Suite et fin de la cinquième journée de Ligue 2. Mené de 2 buts par Sochaux, le stade brestois a conservé sa place de leader en égalisant dans le temps additionnel 2 partout. Ils sont forts ces brestois. Les Français rament à l'US Open. Et oui, après les éliminations de Gasquet, Beneteau et Cornet, Gaël Monfils a redoré le bilan bleu en battant Gilles Muller en 3-7. Père, Robert mais aussi Nadal sont sur les courts en attendant Tsonga, Puy, Herbert, Manarino et Razzano. Et puis également Djokovic. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur énergie. Laissez-vous guider vers les vibrations positives. La meilleure potion énergétique, c'est de 8h à 9h dans Caféine avec FitZone. 3 jours d'essai gratuit. Un coach pour vous conseiller et des cours à essayer. Plus d'infos au 24 16 80. On reviendra sur les MTV Video Music Awards qui ont eu lieu hier. Et c'était un match de nana entre Britney Spears, Rihanna ou encore Beyoncé. Elles ont toutes donné du talent. Et ça a bien marché. Qui a gagné et qui a gagné quoi? On en parle tout à l'heure à 8h30 dans le Music News. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. 5. Samedi 3 septembre, 19h, rendez-vous à l'Arène du Sud de Païta pour le Festival des Arts Martiaux. Un spectacle familial incroyable en son lumière avec 14 disciplines d'arts martiaux. Billets sur ticket.nc, FS Sport, Hôtel du Centre, L'As de Trèfle et Pulsion Sport Païta. Attention, c'est le dernier jour. Apple TV au 41. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Énergie t'offre l'Apple TV 64Go et la Nimbus, la manette de jeu sans fil pour jouer sur ton Apple TV. Envoie Apple TV au 41 pour regarder les chaînes de télé, écouter de la musique, regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo, tout ça sur ta télé. Envoie Apple TV au 41 et pour 368 francs, gagne un cadeau de 54 980 francs. Envoie Apple TV au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, c'est le dernier jour. Tirage demain à midi en direct sur Énergie. Le bidule. Casino Johnston sur Énergie. Un seul numéro de téléphone. 36 67 67. Un bruit à trouver et la valeur du bidule Casino Johnston qui augmente de 1000 francs à chaque mauvaise proposition, soit 5000 francs en bon d'achat par jour. Tu peux réécouter le bidule sur le site d'Énergie www.energie.nc. Si tu as la bonne réponse, à toi la cagnotte. Joue au bidule avec Casino Johnston. Nourrir un monde de diversité. Le bidule. Le jeu d'énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie non-stop. Énergie. Énergie. Énergie. It's music only.